Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, votre rendez-vous d'exploration des initiatives locales. Et aujourd'hui, on va parler de rebond, de parcours de vie et envie d'aller de l'avant. On va donc parler des actions de redynamisation collective, l'ARC, un dispositif d'accompagnement qui aide des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion à reprendre confiance, à se remettre en mouvement, à construire de nouveaux projets. Et on est ravis d'avoir avec nous aujourd'hui au studio plusieurs participants de cette session, prêts à partager leurs expériences, à commencer par Stéphanie Dridi. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marlène. Alors, je me tourne vers toi, Stéphanie, pour connaître un petit peu le contexte, nous expliquer ce que sont ces actions. On a besoin de connaître un peu l'origine de cette démarche. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, l'origine date d'il y a un peu plus de 2 ans. J'ai souhaité, de par mon poste de médiatrice, où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de besoins concernant la confiance en soi, la redynamisation, le fait de se relever, j'ai souhaité pouvoir créer des ateliers collectifs pour que chacun puisse partager l'expérience et puis leur faire valoriser leurs qualités, leurs compétences. On sait que le collectif est en généralement très fort. Et donc du coup, on a commencé comme ça avec 9 ateliers. Et par la suite, au bout des 9 ateliers, les participants ont souhaité continuer. Donc du coup, on a pérennisé ça. Ça s'appelait du jeu au jeu. Et puis là, moi étant aujourd'hui dans un nouveau poste, le jeu au jeu n'a pu exister. Et du coup, nous avons plutôt tous décidé de le transformer en collectif de manière à ce que ça continue, puisque pour le coup, ça fonctionne plutôt bien et que chacun a vraiment, vraiment beaucoup évolué et pouvoir continuer à intégrer de nouvelles personnes surtout. Donc travailler sur la confiance en soi, mais ça peut être des sorties culturelles, ça peut être des intervenants. Voilà, le but, c'est de s'arrêter un peu sur soi-même. Puis chacun s'aide à se relever l'un et l'autre. Et c'est une force qui est exceptionnelle. Eh bien, ils vont pouvoir en témoigner. Est-ce que chacun d'entre vous peut se présenter, s'il vous plaît ? Alors, bonjour. Bonjour Marlène, moi c'est Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Et bienvenue dans le studio de Radioactive. Merci. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première. On a déjà eu l'occasion de se croiser sur plein d'événements. Je pense au forum Anime-toi, je pense au dojo, on est venu vous voir quelques fois. Oui. Mais là, c'est la première fois qu'on est intramuraux. C'est très bien. Bienvenue Marie-Christine. Merci. Bonjour, moi c'est Jade. Bonjour Jade. Bonjour, moi c'est Redouane. Voilà, Redouane qui lui est déjà venu. Oui. Bonjour, moi c'est Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour, moi c'est Sabrina. Bonjour Sabrina. Et enfin, juste à côté de moi. Bonjour, moi c'est Julie. Et bonjour Julie. Donc maintenant que les présentations sont faites et qu'on se connaît tous, ce qui serait sympa c'est de m'expliquer chacun et chacune comment vous avez rejoint le collectif. Marie-Christine. Alors oui, pour moi, ça remonte maintenant, je suis là depuis le début, donc ça fait 2 ans je crois maintenant, Stéphanie, c'est ça ? En fait, Stéphanie me croisait souvent à la MJC, mm-hmm. au centre social, puisque j'amène ma fille, qui a un petit truc en plus. Ok, et, c'est joliment dit. Oui, j'aime bien ce terme. Et puis voilà, elle n'a pas hésité à me parler de ce projet, en tout cas, qu'elle allait mettre en place, puisque voilà, nous voyons régulièrement, elle s'est dit, tiens... Marie-Christine, enfin, elle ne me connaissait pas encore à l'époque, mais la maman, ça peut lui permettre de souffler. Et puis, ma fille, de voir autre chose. Donc, alors, elle pourrait le raconter elle-même, mais je suis toujours son exemple super, en fait, parce que la réponse que je lui ai donnée ce jour-là, c'est « j'ai pas besoin de connaître du monde, je suis bien seule ». Donc, oui, moi, j'ai besoin de me retrouver seule à des moments, puisque je suis toujours accompagnante. Aidante. Donc j'ai besoin de moments de solitude pour me ressourcer. Et donc je lui ai dit, non, mais moi, voilà, moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de trouver du monde. Donc j'y suis allée pour ne pas que son atelier, on va dire, soit sans personne. Enfin, je voulais au moins y aller pour. Je me suis dit, voilà, elle fait l'effort. Quelque part, c'était pour faire plaisir à Stéphanie oui. au début. Elle fait l'effort de construire quelque ouais. chose. Et je me voyais pas qu'il y ait personne, quoi. Donc je me suis dit, j'y vais. J'y suis allée avec ma fille. Alors, ce qui m'a aussi un petit peu aussi donné l'envie, en plus, c'est qu'à l'époque, il y avait l'intervention d'un comédien. Mm-hmm. Philippe, en Dulin, pour ne pas le nommer. Voilà. Donc, je dis, ça m'intéresse, pour aider à la timidité, etc., pour s'épanouir d'une certaine façon. Donc, j'y suis allée la première fois. À la base, c'était vraiment pour ma fille. Et puis, en fait, voilà, j'ai rencontré Philippe. Et puis, je lui ai parlé d'un atelier théâtre, si on pouvait faire du théâtre. Et puis, il était tout de suite d'accord, au contraire, il attendait que ça, qu'on lui demande. Donc ça a commencé comme ça, et puis ben, ma fille, voilà, elle est venue aussi. Bon, elle a un peu plus décroché que moi, on va dire, et c'est moi qui reste maintenant. Elle est encore là quand même, elle fait partie du groupe, mais voilà, maintenant je suis toujours là depuis, je fais partie des murs. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est l'origine de l'arrivée de Marie-Christine dans ce collectif. Tout à fait. Jade, quant à toi ? Alors moi, un peu dans cette histoire, je trouve que je suis un peu l'intrus. Moi, de base, j'accompagnais juste ma mère aux ateliers parce que ça me faisait plaisir de faire quelque chose de mes vacances quand j'avais du temps. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que je suis bien là aussi parce que j'avais besoin aussi de redynamisation, pas forcément professionnelle, mais j'avais besoin de ces ateliers pour reprendre confiance en moi. Voilà, en gros, c'est ça mon arrivée assez simple, basique. Ouais, non, mais c'est bien parce que ça donne aussi un autre panel de tout ce qui est exploré au sein du collectif. Puisque comme tu le dis, c'est pas uniquement sur de l'orientation professionnelle, ça va chercher bien plus profondément que ça. Ok, merci Jade. Redouane, qui est le seul garçon qui représente le côté masculin de ce collectif. Oui, je rejoins un peu Jade sur mon début dans le groupe. C'est que en fait, j'y suis allé tout simplement parce que ma mère y était. Et elle m'en a parlé et elle m'a proposé de venir à un atelier pour voir comment c'était. Et il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pour moi durant cet atelier. J'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires. Et j'ai vraiment senti une bonne énergie positive, quelque chose dont j'avais besoin avant. Et dont j'ai toujours besoin maintenant. Hein. Mais beaucoup, beaucoup avant. Et ça m'a beaucoup fait changer, mais dans le bon sens. Moi, de base, qui est quelqu'un de très, très timide. Et qui se referme beaucoup sur lui. Là, pour le coup, j'ai appris à m'ouvrir à des personnes sans jugement, parce que c'est ça, il n'y a aucun jugement. Et j'ai trouvé ça super qu'aujourd'hui, on puisse trouver des gens qui ne jugent pas forcément sans connaître la personne, même quand ils connaissent. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Du coup, bah, j'ai suivi le groupe et voilà, je suis là aujourd'hui. Super, c'est des beaux témoignages. Hein. Jusque-là, on a vraiment des très beaux retours. Eh bien, merci Redouane. Avec plaisir. Place maintenant à Nadège qui coiffe son casque parce que voilà, chers auditeurs, on a un certain nombre de micros et de casques. Alors aujourd'hui, vu qu'on est nombreux, on partage tous ces outils. Alors Nadège, comment ça s'est passé l'arrivée ? Comment ça s'est passé ? Moi, ça s'est passé sur... ça a commencé sur le marché d'Amboise. Ah oui ? C'est comme ça que j'ai appris qu'il existait le groupe grâce à Philippe Dulin qui m'en a parlé et qui m'a dit « si tu veux, tu peux venir intégrer » et voir si tu aimes et découvrir. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de ce groupe, qui depuis, bah, ça fait plus d'un an que je suis là, et bah, tout va très bien. On a fait pas mal de bonnes choses, j'ai appris pas mal de choses aussi, la confiance en moi, que j'avais beaucoup perdue. J'ai beaucoup avancé, mais j'en ai encore besoin, je le sens. Mais plein de découvertes et puis plein d'amitié et de convivialité entre nous. Et c'est vrai que c'est formidable, quoi. On est un beau noyau et on est une belle famille. Hein. Voilà. Super. Merci, Nadège. C'est maintenant Sabrina qui va nous expliquer comment elle a intégré ce groupe. Bah moi, je l'ai intégré en rencontrant Stéphanie au CCAS, qui m'a parlé du groupe. J'avais perdu mon emploi, j'ai dû arrêter mon emploi quelques mois avant. Je le vivais très mal, j'étais seule chez moi et donc elle m'a parlé du groupe. J'y suis allée timidement et au final, je ne suis pas déçue parce que j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont mis tout de suite à l'aise et je commence à prendre confiance en moi maintenant. Donc c'est super. Et est-ce que contrairement à Marie-Christine, cette solitude-là, elle te convenait, Sabrina, ou est-ce que tu avais justement envie d'intégrer comme ça un groupe ? Non, elle ne me convenait pas, mais je me suis renfermée... parce que j'avais un mal-être, et du coup, Stéphanie, donc heureusement qu'elle m'a proposé de venir, parce que ça m'a beaucoup aidée, sinon je sais pas où j'en serais. Donc, voilà. Depuis, j'ai beaucoup avancé. Très bien, super. Et puis enfin, Julie. Alors Julie, c'est quoi ton histoire par rapport à ce groupe ? Il y a un peu plus d'un an, Stéphanie est venue me voir à la mission locale, elle m'a parlé du groupe, et du coup, ça m'avait intéressée. Et à ce moment-là, je me sentais pas bien du tout. Et j'ai dit directement oui, alors que d'habitude, sortir et voir du monde, c'était pas trop mon truc, on va dire. Ça m'a fait du bien de l'intégrer. Et c'est top, parce que Julie, nous, on a eu l'occasion de se croiser sur plein d'événements maintenant. Donc en fait, j'ai l'impression que t'es partout. Là où tu étais nulle part, maintenant t'es partout. Oui, je trouve que avant je sortais quasiment jamais. Maintenant, je suis plus dehors que chez moi. Limite, je suis chez moi juste pour dormir maintenant. Donc bientôt, l'Arc aura son propre centre d'hébergement. Ok, super. Je sais qu'il y a un titre musical qui vous tient tous particulièrement à cœur, puisqu'on vous a vu danser dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre et qu'on l'écoute ensemble juste après ? J'adore ce titre. Allez, désignez volontaire, c'est Redouane qui va nous donner le nom de ce titre. Alors, le nom de la musique, c'est Sound of Silence. Voilà. Ok, mais c'est pas celui, le classique qu'on connaît non, de non, Simon. Non, c'est un remix de Cyril. Ok. Et alors, un petit mot quand même sur pourquoi je vous embraye sur cette chanson-là. En fait, ce titre, c'est une danse qu'on a fait, une chorégraphie qu'on a fait lors d'un forum. Je me souviens, si je me rappelle, c'était la mission locale des 20 ans. Et on l'a redansé après, aux portes ouvertes. Donc voilà, et ça nous a liés encore plus. On a rigolé, on a galéré aussi, mais c'était une belle expérience. Et du coup, ce son, il reste tout le temps dans notre tête, quoi. Oui, et puis la première fois qu'on l'a fait pour la mission locale, c'était notre première sortie devant un public aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Et en même temps aussi, depuis on a évolué aussi, question timidité, confiance en soi, parce que ça nous a drôlement apporté ce jour-là. Eh bien, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Sounds of Silence, le titre choisi aujourd'hui par le groupe d'action de redynamisation collective, un titre qui rappelle bon nombre de souvenirs. Alors je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes en compagnie de Stéphanie Dridi, donc rattachée à la MJC d'Amboise, qui propose justement le pilotage, même si elle aime à dire et à rappeler que c'est un collectif et que chacun est tout à fait autonome dans cette aventure. Nous sommes également avec Marie-Christine, Jade, Redouane, Nadège, Sabrina et Julie. Dans cette première partie d'émission, on a pu revenir un petit peu sur l'historique de votre arrivée au sein de ce groupe. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a une activité ou un moment marquant que vous avez particulièrement apprécié les uns et les autres. Marie-Christine. Alors moi, le moment marquant, c'est quand, grâce ou en partenariat avec la Culture du Cœur, nous sommes allés à la Fondation du Doute à Blois. Alors, on a fait le garage à Amboise, une exposition. La Fondation du Doute, et après on est allé... Je me permets de préciser, en fait c'était un projet qui était en lien avec Culture du Cœur, qui s'appelait la Navette de l'Art, donc c'était sur une journée entière. Okay. Donc on a fait le garage de l'art à Amboise, le point de départ, nous sommes partis après la Fondation du Doute, donc on a visité la Fondation et les expos, et après on est partis à Luynes, à La Grange. Donc c'était vraiment toute une journée avec un bus et tout, c'était... Voilà. Et la Fondation du Doute, c'était une découverte pour moi, c'était pas, je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que par rapport à votre quotidien que vous nous expliquiez tout à l'heure, vous aviez pas forcément peut-être l'habitude d'aller sur des expos, visiter des centres d'art Ce genre de choses, non, je le faisais pas. Je fais d'autres sorties artistiques, mais pas celle-ci. Donc, et celle qui m'avait plu, évidemment, au garage, c'était une belle exposition à ce moment-là, je me souviens plus de l'artiste. Et la Fondation du Doute, c'était quelque chose d'une belle découverte. Ok. Voilà pour moi. Enfin, après, il y en a eu plein d'autres. Mais oui, mais là, c'est difficile, je vous demande d'en choisir une. Oui, donc, voilà, c'est pas évident. Donc... Mais finalement, là, c'est trois en un, donc c'est bien aussi. Ouais. Ok. Jade ? Alors moi, la sortie qui m'a le plus marquée, moi, quand on parle de Arc et de tout ce que j'ai vécu, ça serait la sortie de Beaugency. Parce que j'ai beaucoup aimé ce lieu, j'ai découvert une ville assez agréable. Les expositions étaient superbes, les ateliers aussi qui étaient présentés, j'ai beaucoup aimé. Parce que là, l'idée d'aller à Beaugency, c'était pour encore une fois découvrir des expos, visiter la ville, c'était dans le cadre d'un salon. Il y avait à ce moment-là le Salon du Livre à Beaugency. D'accord. Et du coup, il y avait une sorte de grand lieu où il y avait d'un côté un endroit avec que des livres, où on pouvait acheter des livres, et aussi dans une autre partie du bâtiment, on avait des ateliers qui pouvaient être en rapport avec l'art ou même les livres en général, comme on pouvait fabriquer l'armature, on va dire, du livre, ou on pouvait dessiner comme les grottes de Lascaux ou des choses comme ça. Donc on a même appris à faire l'impression sur papier. Donc c'était plutôt sympa. Donc là, on est vraiment sur des ouvertures culturelles. Stéphanie voulait intervenir. Oui, je voudrais encore préciser, parce que c'est quand même super important, c'est un projet qui nous a été proposé avec Livre à nous. Oui. Et Livre Passerelle. Je le souligne parce que le partenariat est super important. Et je remercie tous ces acteurs qui nous proposent et qui s'unissent à nous. Et grâce à eux, on peut faire énormément de choses. Donc je tenais absolument à le souligner. Cette sortie à Beaugency a été subventionnée par la ville. Parce qu'elle est issue du budget participatif qui avait été voté par les habitants. Donc voilà. Ce n'était pas inutile de le préciser, effectivement, et on embrasse Catherine Mété, qui peut-être nous écoute, Livre Passerelle. Ok, Jade. Redouane, ton souvenir particulièrement cher ? Pour moi, ça a été quand on est allé à Saint-Ouen pour aller voir les Comédouins qui ont fait une pièce de théâtre qui s'appelle Toc Toc, qu'on est en train de faire actuellement. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, c'était super sympa, parler avec les comédiens, c'était bien, c'était super cool. Ensuite, on a fait une représentation de notre pièce de théâtre, du coup de Toc Toc, enfin, c'est pas vraiment la nôtre, mais on a fait la pièce de théâtre devant eux. Ils nous ont donné des conseils, etc. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette journée. J'ai trouvé l'endroit très joli, c'était très beau. Et puis, je pense qu'on s'est à peu près tous amusés. Moi, c'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est l'ambiance... L'humour, les acteurs, les comédiens, c'était super cool. Du coup, c'est la journée que je dirais que j'ai le plus aimé. Voilà. Mais je pense que pour les Comédouins, c'est un très bon moment aussi. Très bien, Edouane. Joli souvenir. On passe à Nadège. Eh bien, moi, je voudrais bien dire aussi que quand on faisait de la confiance en soi avec Christine, c'était très, très, très intéressant et ça nous faisait vraiment un bien fou. Et ça, j'oublie pas. Et c'est même dommage que nous ne pouvons plus l'avoir parce que c'était une femme vraiment formidable. Alors, Christine. Christine me manque beaucoup. Est-ce que tu peux, là encore, apporter une précision, Stéphanie ? Sur Christine. Oui, bien sûr. Il s'agit de Christine Frichot, qui présente des ateliers de coaching émotionnel. Donc voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un stage de clown, avec qui ça a matché tout de suite. Et voilà, elle a une approche qui est juste top. Et j'ai souhaité pouvoir proposer des ateliers sur la confiance en soi, justement, sur la gestion des émotions. Et j'ai fait appel à Christine. Et donc, ils ont bénéficié de ces ateliers-là. Voilà. D'accord, oui. Donc, on imagine que ça puisse manquer. Oui, beaucoup même. Merci. Donc, on va maintenant s'adresser à Sabrina, qui a un micro qui tient, donc c'est parfait. C'est cool. Pour savoir quel est son souvenir impérissable de cette aventure. Alors moi, en fait, j'ai toutes aimé les activités. Il n'y en a pas une, j'ai pas aimé. Alors, je vais dire la vérité, au début, je n'étais pas ouvert au théâtre. Mm-hmm. Je n'étais pas ouvert à la danse. Et il n'y avait rien à faire, j'ai dit non, je n'en ferai pas. Et je me redécouvre depuis quelques mois où j'ai commencé le théâtre avec le collectif. Et j'adore, en fait. Ah là là. Comme la danse contemporaine qu'on a fait à l'Odyssée des femmes. Jamais j'aurais cru le faire, mais je l'ai fait. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est les activités qu'on fait ensemble, les jeux qu'on partage. Il y a des bons moments, on rigole. Puis on apprend des choses aussi. On apprend à se connaître et ça, c'est cool. Et c'est quoi le déclic qui fait que on n'aime pas du tout le théâtre, on n'est pas ouvert à ça, ni à la danse, et puis d'un seul coup, on y va, on le fait? Mais je sais pas, il y a un truc dans le groupe parce que... Ils m'ont transformée. C'est vrai. En bien, en positif. Ça fait que grâce à ça, j'avance aussi dans ma vie personnelle, professionnelle. Et j'avais besoin peut-être que... oui, ils ont eu les mots, ils ont fait les choses pour m'ouvrir à tout ça. Donc je suis contente. Très, très beau témoignage. Moi, je voudrais rebondir sur Sabrina. Pourquoi elle en est arrivée là? C'est que dans ce groupe, on est tous bienveillants. On se porte et on n'a aucun jugement. Donc on peut être comme on est et on évolue, on laisse l'autre évoluer à son rythme. Et donc je pense que c'est ce qui fait qu'elle a pu s'épanouir un peu. Je pense que... Après, c'est aussi plus on partage des moments donc dans les ateliers avec les jeux, avec la danse, en discutant même des fois, on était dans les ateliers, on avait juste à discuter. Et je pense que oui, petit à petit, j'ai pris un peu plus de confiance et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et on prend les choses à la légère aussi, on s'amuse. Et pourtant, c'est ô combien on ne peut plus sérieux, puisque ça vous guide aussi dans votre vie de tous les jours. Oui. Alors, il reste Julie. On a envie que Julie aussi nous partage ses meilleurs souvenirs. Y en a un, c'était pour la chorégraphie de Sound of Silence. J'avais voulu faire de la danse, je suis passionnée de danse, donc j'ai voulu proposer quelque chose. Au début, c'était compliqué, parce que j'ai un gros manque de confiance en moi, mais... On m'a porté, on m'a fait confiance, du coup, on m'a aidé, et du coup, ça l'a fait, et j'étais contente de l'avoir fait. Finalement, t'es fière de toi, d'avoir fait tout ce parcours ? Oui, vraiment. Et est-ce que vous êtes fière de vous, mais aussi fière les uns des autres, de voir à chacun vos avancées, parce que vous vous voyez évoluer aussi. Puis alors, toi, Stéphanie, toi qui, même si elle n'aime pas qu'on dise ça, c'est quand même la pilote de l'avion, tu dois avoir beaucoup de fierté aussi. Oui, évidemment, mais le but, c'est que ça ait un sens. Et en fait, c'est ça que moi, je cherche, c'est que je propose un lieu où chacun peut s'exprimer, chacun peut grandir, chacun peut se valoriser. Enfin, on a tous des pépites en nous, il faut juste qu'on sache où la trouver, comment se découvrir. C'est pour moi un peu une sorte de renaissance. On dit « je suis, donc j'existe », et enfin voilà, tout part de là. Enfin, on a tous quelque chose en nous. Et pouvoir ouvrir ce lieu-là où ils arrivent à s'exprimer, alors on peut avoir du théâtre, de la danse, des jeux de société, plein de choses. Et c'est ça qui est important, c'est que ça touche tout le monde en fait. Mais l'autre, qui n'est pas forcément touché, va quand même va prendre le temps avec chacun et va découvrir aussi. Et chacun, il partage quelque chose. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait, oui, bien sûr que je suis très très fière d'eux. Moi, j'ai vu l'avancée de certaines personnes. C'est phénoménal, quoi. Mais comme quoi, ils l'avaient en eux. Et souvent, je leur dis, moi, j'ai rien fait. Tu l'avais en toi. C'est tout. Il fallait quand même provoquer ces rencontres, cette envie de chacun. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Oui, peut-être. Et c'est peut-être là où moi j'ai ce rôle de facilitatrice, en fait. Il y a le respect dans le groupe, il y a vraiment, on parlait de bienveillance et allié. Et en fait, moi, je suis juste là pour orchestrer. J'ai beaucoup de chance, j'ai un réseau, j'ai des partenaires qui croient en moi et qui sont là avec moi et qui ouvrent des portes. Mais voilà, après, eux font le travail, eux vivent ce qu'ils ont envie de vivre. Voilà, des fois, je peux avoir des idées farfelues, j'ai envie de faire ça. Bah écoute, c'est pas grave, on va trouver. Et puis, on va vivre ensemble, quoi. C'est ça, en fait, c'est cette proximité, la facilité que je peux leur apporter à leur mettre les choses à portée de main. Alors, ce groupe d'action de redynamisation collective, on a bien compris qu'il vous permettait de retrouver confiance, de mettre en place des projets, de faire émaner tout plein d'envie. Et puis, on sent que c'est presque une famille, cet arc. Est-ce que, justement, vous souhaitez accueillir de nouveaux membres de cette belle famille? Est-ce que vous pensez que des personnes extérieures vont pas avoir cette appréhension de se dire « Ah oui, mais bon, ils se connaissent déjà tous très bien, est-ce que je vais y trouver ma place ?» Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire à des futurs éventuels participants ? Marie-Christine ? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que oui, on se considère comme une famille, mais la place est carrément ouverte à tout le monde et on accueillera les personnes à bras ouverts. Ils pourront rentrer dans cette famille sans aucun problème. On peut percer la bulle. Non, mais c'est vrai que ça peut être le cas, même oui. En dehors d'un groupe comme le vôtre, mais simplement une association où certaines personnes se disent, bon, voilà, c'est un milieu un petit peu fermé, les gens se connaissent bien, est-ce que voilà. Mais pas du tout. Là, il y aura de la bienveillance, quoi qu'il en soit. Oui. Je vois Redouane faire oui de la tête, t'es d'accord avec ça ? Oui. Tout à fait. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Puis on laisse rentrer les gens qui ont envie et au contraire, on les accompagne. Tout à fait. Et puis si ça leur convient pas, ils repartent aussi. Exactement. Mais ils vont rester. Donc à bon entendeur aux auditeurs qui entendraient cette émission et qui auraient envie de franchir le pas, Stéphanie, est-ce que tu peux nous rappeler le cadre un petit peu, comment on fait pour vous rejoindre, où est-ce qu'on vous trouve? Oui, bien évidemment, et je rejoins, n'hésitez pas à venir pousser la porte, à savoir que ce sont des ateliers entrée-sortie libre. Je mets un point d'honneur au non-engagement en fait. Voilà, on arrive à l'heure qu'on veut, on part à l'heure qu'on veut, je séquestre personne. Donc je pense que c'est super important aussi. On se retrouve tous les vendredis après-midi à la MJC, donc au centre social, ou 1 rue Rémi Bello, au quartier de la Verrie. On est là de 14h à 17h30, normalement, on dépasse toujours. Mais bon, voilà. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez contacter la MJC, parce que je rappelle que le collectif est soutenu par la MJC d'Amboise, que je remercie sincèrement de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et puis voilà, j'ai une page Instagram, Action de redynamisation collective, et une page Facebook. Eh bien, parfait. On a toutes les infos. Ben, merci à toutes et à tous pour ce joli moment de partage. Bravo pour votre parcours à chacune et chacun. Bravo pour votre énergie et votre envie d'aller de l'avant. C'est important de le souligner. Voilà, si vous souhaitez retrouver le rythme, prendre confiance et poser des bases pour la suite, n'hésitez pas à rejoindre le collectif de l'ARC. Action de redynamisation collective. Et ben nous, on se retrouve très vite dans un prochain mag pour de nouvelles découvertes locales et n'hésitez pas à réécouter ce podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.